Aujourd'hui, l'histoire de Malik Ossekine, dont nous allons parler avec notre invité, et bien au-delà d'ailleurs. David Dufresne, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisateur du documentaire « Quand la France embrase », diffusé en 2007 sur France 2. Vous réalisez également des webdocs, Prison Valley, diffusé sur Arte, notamment, et auteur de plusieurs livres, dont votre premier roman, intitulé « Dernière sommation », publié chez Grasset l'an dernier. Ce roman revient sur les manifestations étudiantes de 1986 contre le projet de loi de Vaquet, et bien sûr sur la mort de Malik Ossekine, tué par des coups de matraque policières. D'abord, pourquoi un roman? Pourquoi cette démarche du roman? Est-ce que c'est un chemin des écoliers, une façon de détourner le propos pour le traiter de façon plus libre? Qu'est-ce que c'est? Vous avez donc la question et la réponse. Oui, pardon, non, c'est une mauvaise habitude que j'ai parfois. Je vous en prie. Mais je vous écoute, alors je connais vos habitudes, les bonnes et les mauvaises. Non, c'est s'accorder beaucoup de liberté, c'est-à-dire d'écrire plus avec sa mémoire qu'avec des notes, et donc d'être au plus près d'une forme de vérité. Donc par exemple, les pages sur Malik Ossekine, c'est des pages non pas sur ce qui s'est passé concrètement, réellement, mais sur les souvenirs que j'ai personnellement, puisque j'étais dans le quartier, si vous voulez. Et donc la possibilité du romancier, c'est qu'il y a plus de off, donc quand je fais parler des policiers, quand je fais parler des gens de la préfecture, pour ce qui est de manifestations actuelles de gilets jaunes, je suis dans une forme de véracité beaucoup plus réelle, parce que les policiers qui me parlent concrètement me parlent vraiment. Dans un roman, je peux les restituer comme ça. S'ils parlaient aux journalistes, ils auraient une parole beaucoup plus retenue. Ce ne serait pas le vrai vocabulaire. Le roman, en fait, c'est un poste d'observation du réel. Alors, ce moment précis de 1986, oui. Vous l'avez vécu vous-même? Absolument. Le héros du roman aussi, mais moi j'ai 18 ans, je viens de Poitiers, je fais partie de ceux qui ont été, alors vous, l'enquête qu'on vient d'entendre parle de 200-300 personnes, il me semblait qu'on était un peu moins à occuper la Sorbonne, mais c'était peut-être ça, 200. 198 personnes. Peut-être. Peut-être, voilà, selon les organisateurs, selon la police. Donc je suis là, je viens d'arriver, j'ai 18 ans, plein d'idéal. Et c'est la première confrontation avec la police, c'est-à-dire c'est les voltigeurs, c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire c'est ces petites Honda rouges de 150 cm3 qui s'infiltrent partout. Ouais. D'où leur capacité à déraper jusqu'au pire. Je vous en prie. Qui course, qui course, voilà, et donc. Chacun tente de fuir comme il peut. C'est les débuts des digicodes à Paris. On ne peut pas tellement fuir parce que les portes sont fermées. Donc il y a tout un jeu comme ça. Il y a ce bruit, ce vacarme des motos. Il y a ce bruit des bâtons. Et donc voilà, c'est la première fois qu'on rencontre ça. On a 18 ans, on a 20 ans, et bien pour certains, c'est la mort au bout, quoi. C'est la mort au bout pour Malik Ossekine. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose... Ça, plus le mensonge d'État qui a été très bien décrit à l'instant, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand la vérité est cachée, qu'on ne prévient pas la famille, qu'on ne raconte pas, comme on l'a su plus tard, comme on vient de le comprendre, qu'il est mort sur place. C'est tout ça. Et ben ça vous forge. Et cette violence, quand on la vit, dès lors qu'elle est une violence en uniforme, dès lors qu'elle est une violence policière, est-ce que ça en ajoute à la violence de la scène qu'on vit ? Bah, c'est-à-dire que, oui, parce que vous ne comprenez pas que cette police, dont on vous dit qu'elle est républicaine, dont on vous apprend depuis petit à la respecter, grosso modo. Vous ne comprenez pas qu'elle ne respecte pas ses propres principes, justement ceux de la République, au nom même de la République. C'est-à-dire que tout devient extrêmement compliqué, et ça, vous le comprenez en quelques minutes. Quelle est l'intention éditoriale de ce livre? Vous l'écrivez pour raconter une histoire, mais j'imagine que c'est pas le seul but. C'est quoi l'intention éditoriale? Non, mais excusez-moi, là, je m'attendais pas du tout à être aussi ému. Vous savez ce qu'on va faire si vous êtes ému, parce que on le fait pas seulement quand les invités sont émus, on passe à un disque, on se reprend 3 minutes, Et puis on se retrouve non, juste après. Allons-y. On écrit pour comme un exutoire. On écrit pour la mémoire. Je pense qu'on va parler tout à l'heure de ce qui se passe autour de Malik Houssekine aujourd'hui, la bataille autour de sa mémoire, la bataille des mots, qui est extrêmement importante. On n'a pas entendu Robert Pandreau, qui était la colleague de Pasqua, qui à l'époque avait déclaré ministre de la sécurité publique, c'est ça, parce qu'il y avait une ministre de l'intérieur, il y avait une ministre de la sécurité publique. On est dans un moment de droitisation terrible, hein, où il y a presque deux ministres de la police, si vous voulez. Mmh. Et Pandreau va dire cette phrase, il va dire si moi j'avais un fils sous dialyse, je ne le laisserais pas sortir la nuit. Mmh. Ça faisait aussi partie, si vous voulez, de l'accablement, du mensonge d'État, etc. Eh bien, écrire, c'est modestement rappeler certaines choses, c'est modestement dire que quand Emmanuel Macron dit de Geneviève Le Guay, cette dame de 70 ans qui est bousculée par la police à Nice il y a quelques mois, et que Emmanuel Macron dit qu'elle devrait être un peu plus sage et ne pas manifester, c'est la même chose, c'est le même discrédit qui est porté, c'est la même dégueulasserie. Donc on écrit contre ça, tout simplement. Mmh. On écrit aussi pour le plaisir d'écrire, on écrit aussi pour se compter, pour dire voilà. Quelle trace laissait la mort du jeune Houssekine aujourd'hui encore? Alors, en France. Si vous voulez, il se trouve que par la suite, je me suis donc intéressé beaucoup à la chose policière. Voilà, l'acte de naissance, c'est là, c'est décembre 86, et notamment aux questions de maintien de l'ordre. Et pendant très très longtemps, encore aujourd'hui, les policiers vont vous parler du syndrome Malik Houssekine. Et il ne faut pas se tromper, par syndrome, ils ne parlent pas uniquement de la mort de Malik Houssekine. Personne n'a souhaité la mort de Malik Houssekine, aucun policier ne l'a souhaité, aucun homme politique ne l'a souhaité, bien évidemment. Mais par syndrome, c'est l'idée de dire... Un manifestant, un étudiant qui meurt, c'est une élection qui se perd. Jacques Chirac le dira dans ses mémoires. Hein. Il comprendra très bien qu'en 88, il va perdre les élections parce qu'il a perdu la jeunesse à peine arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre, on a entendu tout à l'heure. Et donc, Malik Houssekine, son décès, ça va figer la doctrine de la police française, et ça va, d'une certaine manière, la transformer en quelque chose qui va longtemps apparaître comme ce que la police elle-même appelle le modèle du maintien de l'ordre à la française, c'est-à-dire de la retenue, c'est-à-dire montrer sa force pour ne pas s'en servir, c'est-à-dire ne pas tuer, ne surtout pas tuer. Et... récemment, à l'aune des gilets jaunes, à l'aune des manifestations, y compris du 1er mai, y compris des réformes contre la retraite, on a entendu des policiers commencer à dire, ou des hommes politiques commencer à dire deux choses. La première, il faut oublier Malik Houssekine. Ouais. Comment faire pour oublier Malik Houssekine? De faire cette émission. Et ce qui venait après, évidemment, c'était, ça n'a pas existé. Donc on a entendu des spécialistes prétendument de la police sur des antennes de grande écoute expliquer que Malik Houssekine n'était pas mort des coups policiers. On vient bien d'entendre que évidemment qu'il l'a été. Et donc autour de Malik Houssekine, c'est cet enjeu qu'on trouve, c'est-à-dire c'est l'enjeu de la mémoire, c'est l'enjeu de la place de la contestation, de la police, de l'ordre, du désordre, de la légitimité, de l'emploi de la force. C'est tout ça ce qui s'est passé au 20 rue Monsieur le Prince. Alors il n'y a pas eu que ça, parce que on a parlé de d'autres violences policières. Zineb Redouane, touché en décembre 2018 par une grenade lacrymogène à Marseille. Steve Canisso, tombé dans la Loire après une intervention musclée des forces de police. Ça, c'était lors de la fête de la musique à Nantes. Et plus récemment, Cédric Chouviat, mort le 5 janvier après une arrestation d'une grande brutalité. Il y a une accumulation terrible qui doit contraindre le ministre de l'Intérieur à changer de ton et à envisager d'autres façons de maintenir l'ordre. Pas facile non plus. Mais il faut bien trouver une autre façon de maintenir l'ordre. Parce que on peut pas laisser une faille exister, se creuser entre la population, comme on le disait tout à l'heure, et ces hommes en uniforme dont la vocation est de protéger la population. Oui, absolument. Alors, si je puis me permettre, il faudrait pas oublier Rémi Fraisse, qui est un autre manifestant, qui est mort. Dont nous avons raconté l'histoire également dans Affaires Sensibles. Absolument. Mais il n'y a pas d'image. Juste un petit point, je vais répondre à votre question, mais ce qui est frappant avec Malik Houssekine, et vous l'avez très très bien raconté, c'est le fait qu'il y ait des images de sa réanimation qui manifestement était feinte, en réalité, ou quasiment. ces images font que ça reste aussi, font que sa mort soit restée. Et quand je vous parle d'images, c'est à dessein, c'est-à-dire que on voit très bien que Steve à Nantes, ça n'a pas ému tant de gens que ça. Zineb Redouane non plus. Il y a plein de raisons. Une des raisons, c'est qu'il n'y a pas d'image. Cédric Chauviat, dont vous venez de parler, ce livreur qui a été, qui est mort suite à un contrôle policier, il y a des images. Il y a des gens qui ont. Et ça change tout. Et ça change tout. Donc évidemment, cette question-là, cette question des images, aujourd'hui, elle est devenue extrêmement importante dans la gestion de l'ordre, parce que il y a tout d'un coup tout un tas de débats qui sortent. C'est extrêmement compliqué la situation dans laquelle est aujourd'hui le pouvoir. Et il s'en rend compte depuis quelques heures, quelques jours, avec un infléchissement de la part d'Emmanuel Macron, de Christophe Castaner, qui sentent bien que... Là, il y a un malaise, qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ouais. Il faut faire quelque chose. Et il faut faire quelque chose parce que il ne faut pas qu'il y ait de Malik Oussekine. Y compris politiquement. Y compris politiquement, ce n'est pas... Voilà. Vous étiez ému tout à l'heure, vous avez repris vos esprits au fil de la... Excusez-moi. Mais je vous en prie, non seulement je vous êtes excusé, mais j'ai envie de vous demander pourquoi cette émotion, ça renvoie à ce que vous avez vécu en 86, qui était pour vous intolérable, enfin maintenant il y a quelques années quand même. Ben oui, c'est ça qui m'étonne, c'est quand même... non, en fait, ça me renvoie, si vous voulez... Excusez-moi, vous voyez, je vous tutoie lorsqu'on n'est pas... Ça renvoie aux 25 personnes qui ont perdu un œil pendant les gilets jaunes, aux 5 personnes qui ont perdu une main, à Zineb Redouane, à d'autres dont on ne parle pas, prenons Ibrahim Ba, qui est mort à Villiers-le-Bel au mois d'octobre, lors d'un contrôle de police. On ne connaît pas exactement les circonstances. Vous avez parlé d'Adama Traoré tout à l'heure. La liste est très très longue, très très longue. Et Malik Oussekine, ça renvoie à toutes ces tragédies, si vous voulez. Voilà. Et puis, effectivement, je crois que ce qui m'a ému, c'est d'entendre ces voix si juvéniles de 1986. Et vous parliez des images. Vous avez vu la force du son. Ah ben non, mais attendez, le son, c'est extraordinaire. Oui, soit dit au passage. C'est absolument extraordinaire. Et bon. D'ailleurs, dans mon travail de recensement de violences policières, mon roman commence là-dessus. C'est un cri. C'est un son. Et c'est ça qui me hante. C'est ce son. C'est, voilà. 2 février, cité de la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois, Théo, vous vous souvenez ? Absolument. Hein ? Un jeune homme de 22 ans était très brutalement violenté par 4 policiers de la BST, brigade spécialisée de terrain. L'un des policiers était mis en examen pour viol. Oui, je dis bien viol parce que accusé d'avoir introduit sa matraque télescopique dans l'anus de Théo, provoquant une blessure grave, 10 cm de longueur. Renel Verzo, reporter pour Affaires Sensibles, vous êtes allé à la cité de la Rose des Vents, à la rencontre de la population, à la rencontre des jeunes. C'était il y a 2 ans. Vous avez quel âge ? 30 ans. Est-ce que vous avez peur des policiers en tant que femme ? Franchement, il y a quelques temps, je vous aurais dit non. Mais ma copine, elle s'est fait interpeller lundi. Elle est là avec moi au téléphone en plus. Ma copine, elle s'est fait interpeller lundi dans sa voiture avec ses enfants, juste là au bout du galion. La police, avec les pistolets et tout, ils ont essayé de rentrer les pistolets dans la voiture avec les enfants. Les enfants de 2 ans, 6 ans et 10 ans. Ils sont super eu peur pendant 2 jours. C'est-à-dire même la nuit, ils se réveillaient la nuit, tellement ils ont eu peur. Ça s'est passé dans le galion en plein après-midi, lundi. Juste parce que l'assurance a été périmée d'une semaine, ils ont interpellé ma copine et tout, tapé sur la vitre, mettre le pistolet dans la voiture. Les enfants, ils ont paniqué. Ça s'est passé lundi, là. Pistolet dans la voiture ? Ouais, le flashball, carrément. Je vous jure, la personne, elle est là, au téléphone, là. Ouais, pour qu'elle vous entende aussi, que je parle d'elle. Et après tout ça, la police, voilà quoi, on évite. Maintenant, on évite. Franchement, on évite. Même les enfants, quand ils voient la police, c'est limite, ils me tiennent la main un peu plus fort et tout. Je trouve ça triste, hein. Franchement, c'est triste, c'est triste. Et s'il y a des policiers qui viennent ici, mettons, demain, pour essayer de discuter avec vous et puis dire, bon, maintenant, on essaye de se réconcilier, est-ce que vous seriez d'accord ? Ben oui, ben il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir discuter. On les met pas tous dans le même sac. Ça veut pas dire que c'est des policiers qui sont tous méchants. Il y a des policiers pacifiques. Mais le problème, c'est que c'est comme nous, en fait. Dans la cité, s'il y a quelqu'un qui veut se faire un nom, qui veut être un caïd, il va être imposant, il va faire la misère aux gens. C'est pareil dans la police. Il y en a qui veulent se faire un nom, ils deviennent agressifs pour rien. Et voilà. Je voulais dire quelques mots aussi. Par rapport au maire aussi, monsieur Bruno Béchiza. Voilà. Et le maire, les Républicains d'Aulnay. Le Républicain d'Aulnay. C'est un très bon maire, mais Il faudrait qu'ils mettent plus d'activités pour que les jeunes arrêtent de traîner dans les quartiers comme ça. Déjà, il a supprimé les plages et tout. Et en gros, ils ont réduit même les budgets avec les SMG et tout. Oui, on a plus d'assistante sociale aussi à Aulnay-sous-Bois. Je tiens ça à ça, c'est très important et c'est très, très, très grave. Moi, je viens d'arrêter de travailler, c'est-à-dire que j'ai pas d'assistance sociale. Mais je suis dans ma merde quand même. Et j'ai pas d'assistance sociale. Je fais comment? C'est-à-dire, moi aussi, je dois foutre la merde pour finir mes fins de mois, en fait. Oui, avec combien par mois, si c'est par 10? Franchement, là, au jour d'aujourd'hui, vu que je travaille plus et que je touche le RSA pour mes enfants, mes trois enfants, je suis à 800 et quelques euros. Il nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, mais il y a toujours de l'argent. Il nous faut plus de projets. Ça va permettre à nos petits frères de ne pas traîner dehors et d'éviter de fréquenter la police et d'éviter ces bavures, parce que la police, des fois, ils aiment bien trop chercher. Et quand on est là en galère et tout, on peut faire des choses dont on n'est pas conscient. C'est le maire, il est trop malade, c'est pourquoi? C'est qui fait son malade? Tiens, nouveau dans la tête, qui est là, tu parles, tu m'agresses. T'as envie de dire quelque chose? Ouais, je veux dire. T'as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans? Théo, ça se fait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et les policiers, je comprends pas pourquoi ils sont pas partis en prison, ils sont partis dans une autre ville. Plus sachant qu'il y a les élections présidentielles en 2017. Mais voilà. Et vous allez voter pour qui? Moi? Jean-Luc Mélenchon. Je ne comptais pas voter, mais je vais voter Mélenchon. Non, tout le monde vend du rêve, surtout pas Marine Le Pen. On dit pas qu'il y aura pas de sang, il n'y aura pas de guerre, mais on va se révolter en gros. En tant que citoyen, on va manifester. On veut pas de problème, Ce sera une révolte pacifique. Voilà. Les faits, Théo, remontent au 2 février 2017 et le reportage était fait quelques jours, quelques semaines. Après, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre, David Dufresne? Que le pouvoir serait bien inspiré de sortir de cette spirale. Voilà. On ne peut pas continuer avec une telle défiance de part et d'autre. Vous avez vu la photo que je tiens dans la main, là? Donc, par définition, les auditeurs ne la voient pas, donc je la décris, donc de Libération, le journal Libération, photo prise le 7 décembre, où l'on voit une brigade de policiers à moto lors d'une manifestation de gilets jaunes à Paris. À moto, ça nous rappelle les voltigeurs de 86. Absolument. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Leur nom, c'est Brave. Brave, exactement. Les Braves. C'est le préfet de police de Paris actuel, Monsieur Lallemand, Didier Lallemand, qui les a mis en place. En fait, ils étaient réapparus sous un autre nom quelque temps avant, qu'importe. Il y a une différence. Cette différence, c'est qu'a priori, ils ne sont pas là pour frapper, mais simplement pour transporter. C'est-à-dire que le pilote ne donne pas de coup de pied, comme en 86, et le passager ne donne pas de coup de matraque. Cela dit, les policiers sont cagoulés, les policiers n'ont pas de matricule. J'ai des images de plaques minéralogiques qui sont masquées. On est dans quelque chose de symboliquement terrifiant. David Dufresne, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre roman, puisqu'il s'agit d'un roman, mais qui remue beaucoup de problèmes qui, eux, ne sont pas des romans, des problèmes de la réalité. Ça s'appelle « Dernière sommation », publié chez Grasset. Merci infiniment et désolé pour l'émotion de tout à l'heure. Merci à vous. Rien, c'est la force du son, c'est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. C'est la force du son. Bravo à vous. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Malik Oussekine et les violences policières, une émission que vous pouvez bien sûr écouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian.